pas à chaque jour la force de ton amour, mère de tous les vices. Parfois on ne s'est pas comprise les défauts de chacune. Nous ont construit une à une au nom de tous les liens, ne comptons que sur les miens, la force de chacun fait qu'on ne forme qu'un. Au nom du Père, patronyme dont je suis fier, car incertain, tu m'as montré le chemin. Tel père, tel fils, heureux d'avoir une fille. Rapport conflictuel, d'autorité paternelle, au nom de tout. Ne comptant que sur les miens, la force de chacun fait qu'on ne forme qu'un. Voilà, côte à côte, l'air renforcé au fil des temps, de disputes en fou rire. Vous êtes l'exemple de ma vie. Au nom de tous les liens, ne comptons que sur les miens, la force.